Il est bientôt 6h du matin, vous êtes toujours sur Radio 21. Toujours en direct du Fuse à Bruxelles pour cette longue, longue, longue nuit du réveillon, nuit dance bien sûr. Nous sommes avec vous pour une demi-heure encore. À la suite de quoi, la vie normale ou presque reprendra son cours. Bonjour à ceux qui s'éveillent, si c'est le cas. Bon retour à ceux qui rentrent se coucher. Enfin, les uns comme les autres, vous êtes sur 21 et c'est la nuit du réveillon jusqu'à 6h30. Il est bientôt 6h30, l'heure pour nous de rendre l'antenne aux programmes normaux de Radio 21 pour cette première journée de l'année 1996. Merci à vous de nous avoir suivis si tard dans la nuit pour cette longue soirée de réveillon, puisque nous étions avec vous depuis 23h, depuis le Fuse à Bruxelles. Merci aussi au nom de tous les DJ qui ont travaillé ce soir et qui vous ont proposé leur musique. Merci aussi à Jean-Marc Guercet et Luc Dehouk qui nous ont accompagnés tout au long de cette longue soirée et qui avaient préparé l'installation technique qui nous a permis cette retransmission. Il me reste encore à vous souhaiter une excellente première journée sur Radio 21. Première journée, première page de l'année qui reste encore à écrire. Excellente journée à ceux qui se lèvent, bonne nuit à ceux qui se couchent et dans tous les cas, à tous, bonne année encore.